Les villages où nous passâmes sont tristes, sombres, humides, misérables et taciturnes. Le cri d'un rouet et les aboiements d'un chien sont les seuls bruits de leur silence. Des enfants en guenilles grouillent sur les portes et de maigres filles pétrissent de la bouse de vache à genoux devant la fosse à fumier. Pas de vignes aux maisons, pas de fleurs aux fenêtres, pas de coq chantant et secouant ses plumes, pas de pigeons roucoulant sur les toits comme dans les autres pays de France. Là, tout est morne, rien ne rit, ni l'homme, ni la nature. Quand les années sont mauvaises, on ne mange que des racines. Il y en a là qui n'ont jamais goûté de pain, aussi comme ils sont hâves, comme ils marchent lentement, comme ils parlent d'une façon lamentable. Leur voix a toujours l'air de la plainte d'un mendiant. La végétation naturelle, celle que Dieu sème à pleine main sur les bords des routes et sur les landes, semble ne pousser qu'à contre-cœur et comme frappée à mort avant de naître. Nous ne vîmes pas de fréquents buissons de ronces où les araignées champêtres filent leur toile, où les chenilles font leur nid. Les ajoncs même, qui partout sont des plantes et qui sont presque des arbres, en Bretagne, s'abaissent à mesure qu'ils s'approchent de la pointe. Ils s'affaissent encore, s'aplatissent sur la terre et finissent par s'y coller comme des lichens. Des moutons noirs y broutaient pourtant, plus maigres que l'herbe qu'ils paissaient, mettant bien vite le sol à nu sous leurs dents et cherchant quelques brins de serpolet éparpillés dans la plaine. Un enfant les gardait, il s'approcha de nous et nous montra son bras terminé par un hideux moignon. Nous lui donnâmes quelques sous, il nous suivit, un petit chien courait à ses côtés. Un douanier avec qui nous causâmes pendant quelques minutes lui dit de nous servir de guide, et avant de nous engager sur la pointe du Raz, nous jetâmes les yeux autour de nous. À gauche, nous apercevions l'étendue des côtes, jusque à Kériti. Toute bleue et profonde, cette baie terrible qui a roulé tant de morts qu'on l'appelle la baie des Trépassés. Puis, rongée par les lueurs du soleil couchant, coupée de grandes ombres violettes, les falaises qui allaient s'affaiblissant par degrés jusqu'à s'abaisser dans la mer, perdant peu à peu leur forme et leur couleur et n'ayant plus qu'une pâle nuance grise semblable à celle de ce duvet de cendre qui recouvre les charbons éteints. Derrière nous, la lande désolée avec la tour blanche du phare qui s'illumine chaque soir. Quand nous eûmes bien vu tout cela, quand nous eûmes longuement aspiré la poésie de ces grandes solitudes, si divinement belle que la vue d'un homme y semble un contresens inharmonique et choque comme une fausse note dans une symphonie, nous suivîmes l'enfant qui nous appelait du regard. Il se prit à marcher devant nous en compagnie de son chien qui frétillait de la queue et jappait joyeusement. Nous longions un rempart de rochers qui s'agglomèrent les uns par-dessus les autres, bouleversés, confondus, et se terminent par une formidable crête dentelée, menaçante et déchiquetée. Nous ne marchions plus, nous rampions, cramponnés des pieds et des mains, montant à genoux sur les rocs éboulés et glissant à plat ventre dans les fentes des pierres. Le chemin devenait impossible. L'enfant collait son bras contre le rocher, ainsi nous trouvions place pour notre pied et nous passions. À nos côtés s'ouvrait l'abîme, droit, à pic, immense, épouvantable, où la mer hurlait à 500 pieds au-dessous de nous. Quand un de nous voulait y regarder, il se couchait dans sa longueur sur le sol. L'autre lui saisissait les jambes et le retenait de toute la force de son bras. Et il faisait bien, car il n'avait pas d'espoir pour celui qui serait tombé. Chaque aspérité lui aurait brisé un membre, puis un lambeau. Dans sa chute, il ne serait arrivé en bas que comme une fange ensanglantée. Parfois le rocher s'éventrait et montrait à nu ses fortes entrailles noires moirées de reflets verts. Il s'enfonçait en grottes sonores, s'élançait comme une arche de pont, se dressait ainsi qu'un monstrueux monolithe ou se reculait progressivement sur lui-même à la façon des gradins d'un cirque romain. À ses pieds, la mer battait, tantôt jaillissant en gerbes d'écume et tantôt si transparente qu'elle laissait voir les quartiers de roc couchés sur le sable, immobiles, pâles et bleuissants sous une foisonnante chevelure de varech, de fucus et de goémon. Pendant que je regardais, deux cormorans s'envolaient avec un grand bruit d'ailes. Notre jeune guide les vit et agita ses bras en les suivant des yeux. Il allait toujours en avant, s'aidant de son poignet mutilé, sautant avec son chien, se penchant sur le gouffre béant, jetant des pierres et des cris pour faire envoler les oiseaux. Pour nous, il était muet, car nous ne savions rien de son langage. Il avançait, silencieux, s'arrêtant où nous nous arrêtions, et nous interrogeant d'un regard intelligent qui tâchait à pénétrer le sens de nos paroles qu'il ne comprenait pas. Ses pieds nus bondissaient sur les pointes les plus rapides. Une pointe d'aiguille lui suffisait pour passer. Il paraissait suspendu au rocher, plus ferme et plus solide que ces gnomes de pierre convulsionnés au flanc des cathédrales. Il était là aussi à son aise que sur la lande où paissent ses moutons. Il nous guidait joyeusement et nous faisait les honneurs de chaque précipice comme s'il eût été l'hôte de ces effroyables demeures. Nous arrivâmes ainsi à l'extrémité de la pointe, au Finistère même. Là s'arrondit un petit plateau assez large pour qu'on puisse y reposer ses deux pieds d'aplomb. Au-dessous, les rochers se déchirent, s'écartent, se rejoignent, se confondent dans toutes les formes, dans toutes les postures, dans tous les aspects, et paraissent les cristallisations immenses des mondes antédiluviens. De là, nous vîmes ces formidables courants qui luisent sur la mer, ainsi qu'une large traînée d'huile, et qui sont si redoutés que les matelots ne les traversent qu'à genoux. En face, à 2 lieues environ, l'île de Sein, l'île des Druides et de Véléda, dormait sur les flots, sainte d'écueil, aplatie, sinistre et noire et comme en deuil de tous les cadavres que les naufrages ont roulés sur ses bords. Derrière, bien loin, tout au fond, le soleil se couchait, et ses derniers rayons se déployaient sur l'horizon comme une écharpe d'or. L'île obscure, avec les mâts de ses bateaux et la fumée de ses toits, ressortait sur la lumière et y découpait la silhouette d'une prodigieuse ombre chinoise. Nous revînmes à la terre ferme par l'autre côté de la pointe. Les rochers ont des tournures moins terribles. Ils descendent vers l'océan par une pente dégradée d'un gris verdâtre que le soleil n'éclairait pas. Une herbe sèche et cassante criait sous nos pieds et nous voyions briller au loin des dunes blanches où nous avions haleté la veille. Quand notre effrayant voyage fut terminé, nous allâmes nous asseoir à l'ombre d'un talus qui domine la baie des Trépassés. Un rocher si élevé, haut et isolé, disparaissant sous les innombrables oiseaux de mer qui le couvraient, cormorans, goélands, canards, mouettes et pétrels, corlieux, grisards et macreuses, voltigeaient autour, s'y posaient, rasaient les vagues à ses pieds, couraient sur ses flancs crevassés et glapissaient avec des cris aigus. Une barque parut, montée par 4 hommes qui maniaient des avirons. Elle passa précisément au-dessous de nous et elle nous sembla une coquille de noisettes manœuvrée par des fourmis. Nous restions sans parler, à côté l'un de l'autre, épuisés, rêveurs et presque consternés. Nous nous sentions la tête vide, nos pensées flottaient vaguement dans nos cervelles. Nos yeux regardaient sans voir, nous avions une sorte de vertige intellectuel qui nous brisait. Nous étions sous l'impression d'un fantastique réel que nous avions bu à trop ample gorgée. Nous savions bien que nous venions de voir des choses terrifiantes, mais nous ne pouvions pas nous les expliquer. Nous avions perdu le souvenir, mais gardé l'émotion, semblables à ceux qui se réveillent frémissants, tout mouillés de sueur d'un cauchemar, et qui déjà ont oublié leurs rêves. C'est que l'homme n'est pas fait pour vivre là. La nature y est trop forte pour sa faiblesse. Tant qu'il voit, il va. Dès que le spectacle cesse, il tombe. Quand il marche au milieu de ces splendeurs que Dieu a rendues rares pour que sa raison ne succomba pas, tout son être s'absorbe dans le regard et ne vit plus que par les yeux. Parfois, cependant, il s'émeut, il s'attendrit, et il maudit l'imperfection de sa nature qui ne lui permet pas les sensations multiples. Il regrette de n'être qu'un homme. Il voudrait avoir les nageoires des dorades pour battre l'eau parmi les algues marines, autour de ces rochers que caresse la mer, sur ce sable blanc où reluisent les coquillages. Il voudrait avoir les ailes des goélands pour voltiger sous ces voûtes humides qui pleurent des lames d'argent, et pour se mêler aux tempêtes quand elle brise les navires contre les récifs. Et cependant, il voudrait aussi garder son intelligence, sa force et son amour, admirer l'éclatante harmonie de ses contrastes pour marier dans la grande synthèse de son panthéisme la voix de l'océan avec les couleurs du rivage, la forme avec l'apparence, l'enfant estropié parlant un langage inconnu avec ses écueils terribles qui ont repoussé tant d'espoir, le flot qui s'en va avec le flot qui revient, le nuage qui passe avec le rocher qui reste. Nous regagnâmes notre gîte cependant, car la nuit allait venir. Le couvert était mis, on nous préparait une omelette. Nous demandâmes qu'au moins elle fût au lard, car c'était là tout notre festin. Mais notre hôtesse refusa obstinément, parce que c'était samedi, et que monsieur le curé défendait de faire gras. Quand nous eûmes dîné, il fallut nous coucher, et ce ne fut pas une petite affaire. Nous n'avions qu'un lit, et n'en déplaise aux dames, nous aimons à être seuls sous nos draps. Nous tirâmes au sort, j'eus le matelas et les couvertures, mon compagnon gagna la paillasse. Il s'y étendit tout habillé, tout chaussé, tout cravaté, la tête sur son sac, et ce ne fut pas lui qui dormit le plus mal. Heureusement que tous les jours se suivent et ne se ressemblent pas, car le lendemain, après une route de 4 lieues, nous déjeunâmes avec des filets de bœuf, des côtelettes de mouton, des rognons sautés, de la salade et du vin de champagne dans la petite ville de Pont-Croix. C'est le seul souvenir que j'en ai conservé. Pour gagner Douarnenez, où nous devions coucher, nous prîmes une carriole non suspendue, hélas, et dont chaque cahot retentissait rudement en nous. Notre conducteur tenait d'une main ses guides et de l'autre son fouet qui sifflait, serpentait dans l'air, claquait, se tordait et bondissait en longues traces de sang sur le cheval qui nous traînait. La malheureuse Rosse était toujours au galop, mouillée, haletante, aussi ardente en montant qu'en descendant. Comme Lénore, derrière le sombre Wilhelm, nous nous sentions emportés dans une façon de course infernale. Nous aimons aller vite, mais cette fois, nous étions révoltés de la brutalité de notre cocher et nous voulûmes monter au pas la première côte qui s'élevait devant nous. Pendant que nous la gravissions lentement et que la sueur de notre cheval s'écoulait goutte à goutte sur la poussière, nous entendîmes une plainte criarde venir derrière nous. Nous nous retournâmes et nous vîmes un enfant qui nous demandait l'aumône. Nous ne pouvons distinguer s'il est fille ou garçon, car son vêtement est un assemblage de trous et de languettes d'étoffes disparates qui n'ont plus que la teinte uniforme de la crasse et de la vétusté. Il marche en se secouant et en frottant ses épaules contre ses guenilles. Il ne tend pas la main comme les autres mendiants, car ses 10 doigts disparus sous ses cheveux noirs hérissés et longs grattent sa tête pouilleuse. La vermine le mange tout vivant. Les puces le rongent, les poux le dévorent. Si on écoutait bien, on les entendrait grouiller. Mais nous n'en eûmes pas le temps, car notre conducteur avait déjà repris son fouet. La route disparaissait, les arbres s'enfuyaient tout échevelés, et nous entrâmes comme un orage à Douarnenez au milieu de la population effrayée, car c'était dimanche, et chacun se promenait dans les rues. Aussi les matelots n'étaient pas en pêche, et les bateaux désarmés se balançaient dans le port. La mer était calme et verte, sous un ciel nuageux. Par instants, il tombait une pluie fine qui colorait la nature en gris. Quelques marins, en bonnet rouge, s'étaient assis, les jambes pendantes. Sur le parapet du quai, les mâts des navires touchaient aux maisons d'ardoise qui baignaient leurs pieds dans l'eau, et la falaise, où quelques brins d'herbe s'accrochaient au-dessus d'une grotte, portait 2 ou 3 masures couchées sous des arbres. Tout cela avait l'aspect froid et brumeux d'une marine hollandaise au mois d'octobre. Il ne manquait que le moulin de bois tournant ses ailes sur le rivage. Nous traversâmes en grande hâte la ville qui est sale et qui exhale une écœurante odeur d'huile de poisson pour arriver à l'autre côté de la pointe où elle s'assoit. Et nous parvîmes ainsi à une grève blanche semée de grosses roches nues. En face, à 100 pas derrière un chenal resserré, s'étend une île étroite, désolée, sans verdure, et habitée seulement par un métayer dont on voit la ferme appuyée aux terrains sombres et rugueux. Cette île est l'île Tristan, et c'est là que vécut Fontenelle, non pas Bernard le Bovier de Fontenelle, qui mourut centenaire et fut le pédant le plus joli du monde, mais Guy Hédère, baron de Fontenelle, de la famille de Beaumanoir, Hédère de Quentin. Ce fut un rude bandit, au profit de la Ligue, un de ces ardents pillards qui n'ont ni foi ni loi, ni Dieu, ni lieu, ainsi que dit la chanson de Jehan du Moulin. Il était de race bretonne, de cette forte race qui ressemble à la terre qu'elle habite et qui, comme elle, est opiniâtre, résistante et dure. Il tenait pour la Ligue parce qu'il y trouvait son profit, car au fond, il se souciait fort peu du Valois, du Bourbon, du Mercœur, des Espagnols et des Anglais, pourvu qu'il pût tuer, voler, faire débauche et ripaille, le reste lui importait peu. Il chérissait les gourmades et se délectait aux coups d'épée. On l'avait envoyé au collège à Paris. Là de n'avoir à rosser que ses camarades, il vendit ses habits et ses livres, acheta un poignard et partit pour le Mans afin de se joindre à une troupe de ligueurs. Quelques maraudeurs de la garnison des Temples le dépouillèrent et force lui fut de retourner à son collège. Mais il n'y resta pas longtemps. Le bruit vint jusqu'à lui qu'en Bretagne, la guerre était en pleine floraison. Il se sauve une seconde fois, atteint son pays sans encombre, embauche des valets, des garçons de labour, des mendiants, des déserteurs, et s'en compose une troupe nombreuse qui le reconnaît pour chef, quoiqu'il n'ait que 16 ans. Il prend alors le titre de baron de Fontenelle, déclare qu'il combat pour la Ligue, attaque les voyageurs, met à rançon les villes et les bourgades, et partage fraternellement le butin avec ses compagnons. Ses façons généreuses attirent encore autour de lui des coupeurs de bourses et des fils de famille fatigués de repos et chercheurs d'aventures. Se voyant à la tête d'un vigoureux bataillon, il veut s'emparer de Guingamp, mais la proie était trop belle, elle lui échappa. Il assiège alors et prend le château Coitefray, à quelque distance de Lannion. De là, il parcourt le pays qui l'entoure et ravage Lannion, Paimpol et Landerneau, qu'il met à sac. La garnison de Tréguier s'émut de ce redoutable voisin, elle vint l'assiéger et le força à capituler. Il rendit Coitefray et en sortit avec armes et bagages, promettant qu'il laisserait en paix l'archevêché de Tréguier. Peu troublé de l'échec qu'il venait de subir, il se rabattit en Cornouailles, marcha sur Carhaix, prit l'église de Saint-Trémeur, s'y fortifia et bouleversa tellement les contrées environnantes que le duc de Mercœur le fit arrêter à la sollicitation des habitants. Fontenelle allait sans doute être pendu lorsque les royalistes attaquèrent Craon. La ville était sur le point de capituler, Mercœur avait peu de soldats, il relâcha Fontenelle à la condition qu'il l'aiderait avec ses soudards à battre l'armée du roi. Fontenelle le promit et tint parole. Il se battit en bon capitaine et fut un des mieux méritants de la journée. De ce moment, il se crut tout permis et reprit sa vie de partisan, assassinant un peu partout, buvant à pleine gorge et violent à outrance. Mais il s'ennuyait dans son église de Saint-Trémeur. Il rêvait un château fort, et n'osant se frotter à ceux des royalistes, il emporta par surprise le château de Granec, place forte que tenait le sire de Bélanger de Prête-Maria, gentilhomme, ligueur et son ami. Prête-Maria réclama, s'indigna, invoqua la bonne foi qu'on se doit entre gens du même parti, on le mit à la porte à coups de hampe de hallebarde, et Fontenelle s'établit chez lui, en ayant soin de ne lui laisser emporter ni son arquebuse, ni ses meubles. Les paysans des environs, exaspérés de ces brigandages, résolurent de l'attaquer, de le prendre à tout prix, et de l'accrocher à un arbre serré haut et court. Ils profitèrent de ce qu'il était en expédition pour investir le Granec. La garnison tint bon. Fontenelle, prévenu, revint en grande hâte, et une nuit tomba sur les vilains endormis. En tua plus de 800, et comme disait-il, il voulait faire un exemple, il défendit de les enterrer. À ceux qui se plaignaient de l'infection que répandaient les cadavres putréfiés, il répondit comme Vitellius, le corps d'un ennemi mort sent toujours bon. Ce qui prouve au moins qu'il avait fait ses humanités. Quelque temps après, il prit le château de Corlay, sur les troupes du roi, y glissa un poste des siens, tenant ainsi la Cornouaille en échec et rapinant de tous côtés. Il alla même jusqu'au Léon, ramasser un immense butin au pillage de Roscoff. Cependant, le maréchal d'Aumont alla camper sous les murs de Corlay, et il fit dire à Fontenelle que s'il osait résister aux troupes du roi commandées par un maréchal de France, il ne lui serait fait aucun quartier, ni à lui, ni aux siens. Fontenelle, en homme d'esprit, sut se plier à la circonstance, il vit qu'il n'était pas le plus fort, et il se rendit à composition. Craignant d'être inquiété au Grand C, il s'en retira, tomba comme la foudre sur Douarnenez, s'empara de l'île Tristan, il s'y fortifia d'une inexpugnable manière. C'est là qu'il s'abandonnait volontiers aux caprices de sa fructueuse imagination. Quand ses cachots étaient trop pleins, on jetait à la mer une centaine de prisonniers pour faire place à d'autres. Parfois, il forçait ses malheureux à danser sur les bas rougis au feu, ou bien il les faisait pourrir dans des tonnes pleines d'eau. Une fois, il fit mourir un homme de faim, et un autre à force de manger, pour voir celui qui souffrirait le plus. On ne l'appelait plus que Monseigneur, et il était vêtu d'un manteau de drap d'or fourré d'hermine, rattaché par une agrafe d'une pierre précieuse d'un tel prix qu'un roi eût à peine osé le porter à son sacre. Les paysans se dressèrent encore contre lui. Il les défit, leur massacra 2000 hommes et les terrifia pour toujours. Il levait des contributions comme un souverain et avait une flotte de 7 vaisseaux qui couraient sus aux navires voyageant sous pavillon d'Angleterre, de France et d'Irlande. Quand on en avait capturé un, on jetait les hommes à la mer, on enlevait les marchandises et on le faisait sauter. Dans une nouvelle course au pays de Léon, il s'arrêta au manoir de Mésarnoux, chez un de ses parents. On le reçut avec tant de magnificence qu'il se sentit tenté à la vue de l'argenterie qu'on servit sur la table. Le lendemain, en partant, il la fit enlever par ses gens, emmenant aussi avec lui la fille du seigneur de Mésarnoux. Elle n'avait que 10 ans, et il l'épousa dès qu'il fut rentré à l'île Tristan. Cependant, Fontenelle n'était point satisfait. Une ville opulente et célèbre fleurissait alors sur l'autre pointe de Cornouailles. C'était Pinmar. Elle attirait de tout l'appât de sa richesse, mais il redoutait une défaite. Il savait que sa population de rudes marins était sur ses gardes et prête à la défense. Il voulut aller la reconnaître lui-même, et un dimanche, suivi de 5 ou 6 de ses estafiers, déguisés comme lui en paysans, il partit. Les habitants jouaient et buvaient, Fontenelle joua et but avec eux, étudiant chaque rue, chaque maison, chaque détour. Il fut reconnu, mais son étoile lui fut fidèle. Les matelots délibérèrent s'ils le tueraient. Ils craignaient par ce meurtre d'attirer sur eux la vengeance des routiers de l'île Tristan. Ils le laissèrent s'échapper. Mal leur en prit, car il ne tarda pas à revenir. Il marchait cette fois à la tête d'une troupe nombreuse. Elle investit l'église, où les habitants s'étaient retranchés. De là, ils arquebusaient durement les soldats qui, frappés par des mains invisibles, commençaient à reculer. Fontenelle alors demanda à parlementer. Les marins, naïfs et confiants, quittèrent leur poste et se rassemblèrent sur la plateforme du clocher pour écouter les paroles de conciliation. Pendant ce temps, un détachement tourna l'église, enfonça une porte que les gardiens avaient abandonnée, se rua sur la nef, grimpa sur les escaliers, se répandit dans la chapelle et mit à mort tout ce qu'il rencontra. Les autres habitants, restés dans les maisons, jetèrent vite leurs armes et ne demandèrent que la vie sauve. Fontenelle la leur accorda, puis il prit 300 barques dans le port, les chargea de son butin, mit le feu à la ville et partit. L'épouvante était partout. On abandonnait les champs, les bourgs, les villages. À 20 lieues à la ronde, il avait fait le pays désert. Le capitaine Dupré, gouverneur de Quimper, lassé de ces dévastations, alla l'attaquer avec un corps de 1000 hommes et le provoqua à un combat à outrance. Fontenelle accepta. Sortit à la tête des siens, tua Dupré, bâtit sa troupe, dépouilla les morts et rentra dans son île. Cependant, Sourdéac, capitaine de Brest, voulut en finir d'un coup avec cet insaisissable brigand et il vint asseoir un siège formidable devant l'île Tristan. Pendant 6 semaines, on canonna la place sans pouvoir l'entamer. À toutes les sorties de Fontenelle, Sourdéac perdait les meilleurs de sa troupe. Il se découragea en voyant qu'il ne pourrait trouer cette invulnérable forteresse. Il congédia ses hommes et se retira au moment où, vaincu par la famine, sans eau, sans munitions, sans vivres, Fontenelle allait capituler. Enivré de son succès, Ne se connaissant plus de joie d'avoir forcé l'armée royale à une retraite, il résolut de s'emparer de Quimper. Pour enflammer ses bandes, il promit le pillage. Il jura de passer au fil de l'épée tous les habitants, à l'exception des femmes qui seraient encore assez jeunes et suffisamment jolies. Un certain capitaine Duclou, avec lequel il s'était abouché, promit de lui ouvrir une des portes, mais il fut surpris en flagrant délit de conspiration. Il allait être pendu par ordre du seigneur de Saint-Luc, commandant de la ville, lorsqu'il se fit fort de livrer Fontenelle si on lui faisait grâce. Le marché fut accepté. Il cacha 50 arquebusiers derrière des buissons et attendit Fontenelle, auquel il avait donné rendez-vous pour prendre avec lui les dernières dispositions. Fontenelle arriva. À peine fut-il descendu de cheval que les hommes embusqués se ruèrent sur lui, le garrottèrent solidement et le rendirent à Quimper dans les mains du sire de Saint-Luc. Sourdéac envoya l'ordre de le mettre immédiatement à mort. Le parlement de Rennes réclama et voulut instruire une procédure en règle. Fontenelle profita des lenteurs amenées par cet incident et, comme il savait que l'argent ouvre les portes fermées et ferme les yeux ouverts, il paya 14 000 sous d'or au sieur de Saint-Luc et reconquit sa liberté. Il s'élança alors, dévastant et ravageant la Cornouaille, avec toute la rage de la peur qu'il avait eue. C'est à Quimper surtout qu'il en voulut. Il essaya de la surprendre, mais il fut découvert et poursuivi, l'épée dans les reins. Voyant que ses ruses lui tournaient toujours à mal, il employa la force ouverte, et comme un empereur, marcha en plein jour en tête de sa troupe, tambour battant, clairon sonnant, enseigne déployée. Les chariots qu'il avait destinés au transport du butin ne ramenèrent que les blessés, car ces soudards furent si bien secoués qu'ils se sauvèrent d'une haleine jusqu'à leur tanière. Fontenelle, furieux, regarda autour de lui pour voir où il ferait tomber sa colère. Il aperçut Pont-Croix et s'avança. En toute hâte, on avait entouré la ville de palissades et de fossés, et les habitants s'étaient pour la plupart retirés dans l'église sous le commandement du sire de Villerouault. Fontenelle emporta vite les retranchements et la ville. Arrivé devant l'église, il arbora le drapeau blanc et proposa à Villerouault une capitulation honorable. Ce capitaine demanda la vie sauve pour les siens et l'autorisation d'enlever ce qu'il pourrait de leurs richesses. Fontenelle accorda tout, promit sur son honneur et jura sur le Christ. Puis, dès que la porte du clocher fut ouverte, il fit saisir le sire de Villerouault. On l'attacha à un pilier de l'église, et comme sa femme, jeune et belle, se précipitait en pleurant dans ses bras, Fontenelle la fit violer par ses soldats sous les yeux de son mari, qu'on pendit ensuite en compagnie d'un moine, afin qu'il pût avoir des facilités pour se confesser en mourant. À la suite de cette expédition qui, disent les mémoires, souleva l'indignation de la Bretagne entière, Soudéac revint encore le bloquer dans son île. Il poussait le siège avec vigueur quand il fut forcé de le lever tout à coup pour marcher au secours de Quimper, attaqué par l'armée de la Ligue. Henri IV avait abjuré le protestantisme. Les capitaines ligueurs s'étaient rangés un à un sous la bannière royale. Le duc de Mercœur lui-même avait fait sa soumission. Seule Fontenelle résistait encore. On lui fit dire qu'on lui donnait 15 jours pour mettre bas les armes, et que, s'il refusait, il n'aurait point de pitié pour lui. Il vit bien cette fois qu'il fallait prendre une décision définitive. Il reconnut l'autorité du roi. Il fut compris dans l'amnistie générale accordée pour tous les faits de guerre, et fut même nommé gouverneur de Douarnenez. Là, il eût pu vivre en paix, riche de ses vols et fort de son renom. Mais il était incorrigible. Il se mêla à la conspiration du maréchal de Biron. Les preuves n'étaient pas convaincantes, il eût pu être sauvé. Mais on était bien aise de se débarrasser d'un aussi rude jouteur. Et puis, il était poursuivi avec acharnement par la famille de la dame de Villerouault, qui prétendait que le viol et le meurtre de cette malheureuse ne devaient pas être considérés comme faits de guerre, puisqu'il y avait eu capitulation jurée. On avait porté plainte à ce sujet au Parlement de Paris, qui le condamna à être roué vif. La sentence fut exécutée en place de grève le 27 septembre 1602. Fontenelle avait alors environ 29 ans. Quand nous eûmes bien regardé l'île et vainement cherché trace des fortifications que Fontenelle y fit jadis construire, nous allâmes déjeuner et nous montâmes ensuite dans une sorte de cabriolet qui devait nous conduire à Crozon. À peine étions-nous entrés dans cette boîte que nous baissâmes mélancoliquement la tête sous la baguette noire de Morphée. En descendant une côte, un chaos nous réveilla, nous ouvrîmes les yeux, et voici ce que nous vîmes. Deux hommes à cheval passaient ventre à terre sur la route, portant chacun en croupe un veau attaché qui bramait tristement. Derrière le cheval, une vache galopait, essoufflée, haletante, la langue pendante et la queue raide de fatigue. Derrière la vache, des hommes et des femmes couraient en criant. Nous refermâmes nos paupières et nous nous rendormîmes de ce bon sommeil réservé au juste qui a passé une mauvaise nuit. Nous descendîmes à Crozon chez Madame Renoux, que nous trouvâmes épluchant des petits pois. À travers la porte entrebâillée de la cuisine, nous sentions un doux parfum de rôti qui nous réjouissait l'âme, nous augurions bien du gîte et nous nous empressâmes de nous mettre à table dès que nous y fûmes invités. Et ce n'était pas une table d'hôte, s'il vous plaît. C'était la table de famille. Seulement, on y faisait asseoir tous les étrangers, lesquels, ce jour-là, se composaient du colonel de Saint-Amour, de sa nièce et de nos deux excellences. La famille était représentée par M. et Mme Renoux, par M. Pierre, leur fils, âgé d'une vingtaine d'années, par M. Gard, leur gendre, et enfin par sa femme. La plus aimable familiarité semblait régner entre tout ce monde-là, car le dîner commença par une plaisanterie à coups de poing à laquelle nous ne comprîmes rien sinon que dans la lutte on avait cassé une assiette, ce qui contrariait fort Madame Renoux. Ceci dit, nous allons passer à la démonstration des personnages. Monsieur de Saint-Amour se présentait bien, avec sa bonne figure hâlée, chauve et ombragée d'une épaisse moustache blanche. Jadis, il avait fait la guerre et l'amour en hussards, et quand il eut reçu sa retraite de colonel, il s'en alla au Canada, au Sénégal, aux montagnes rocheuses, armé d'un pic, d'un marteau, cherchant des minéraux et piquant des insectes. Maintenant encore, il est toujours en route et il ne voyage que poussé par une inextinguible soif d'histoire naturelle. Il est bonhomme, accueillant, bavard, indulgent et conteur comme un vieux troupier. Le matin même, il avait découvert un minéral qui le tourmentait fort, car il ne savait s'il était tellure ou fer onctueux. Il nous le montra, mon compagnon opina pour le tellure, et moi je conclus au fer onctueux. Il traîne toujours avec sa nièce qui est sèche, ridée, anguleuse et assez bonne personne pour une vieille fille. Madame Renoux, qui présidait l'assemblée et découpait les viandes, était une réjouissante maman approchant de la cinquantaine, haute en couleur et abondante d'appât. Non loin d'elle s'élevait Monsieur Renoux, dont l'apparente bêtise cachait la finesse et qui, en qualité de pater familias, dînait en blouse ni plus ni moins qu'un paysan qu'il était. M. Pierre riait très fort, mangeait beaucoup et mangeait souvent. M. Giard nous parut un mortel désagréable et digne d'attirer sur sa tête les foudres de l'hyménée, ne serait-ce que pour lui apprendre qu'avec une face tachée de petites véroles, des mains rouges, un nez trognolant, des dents et lunettes bleues et un air bête et méchant, on ne doit pas épouser une femme toute gentille, grassouillette, fraîche, appétissante et bien à point. Mais lorsqu'on est receveur des contributions indirectes, peut-on rencontrer des cruelles? Le premier quartier de la lune de miel commençait à peine à briller sur l'horizon de leur mariage, car ils étaient encore dans le coup de feu des repas de noces. Aussi, le lendemain, nous assistâmes au défilé de toute la famille lorsqu'elle allait dîner chez le notaire qui avait rédigé le contrat. Madame Giard était simple et convenable dans une robe de taffetas puce et son visage rayonnait de plaisir sous sa capote de satin bleu. Sa mère avait arboré un cachemire français, un chapeau jaune à fleurs pâles et une robe de pou de soie miroitante et glacée. Elle avait des gants jaunes sereins, gants éclatants tirés avec circonspection du fond de l'armoire, conservés pour les jours de fête, mis avec importance et gravité comme une parure inaccoutumée, soigneusement étendue au retour des cérémonies et qu'on souffle précieusement quand ils sont ôtés afin qu'ils ne gardent pas de mauvais plis. De tout le costume de M. Renaud, je n'ai vu que la redingote. Elle avait été bleue et blanchissait sur les coutures avec des poignets trop longs et un collet trop haut. Elle se tenait toute seule, ferme, résistante, plus raide que celle dont Napoléon s'enveloppe au sommet de la colonne. Il était cuirassé là-dedans comme dans une armure de triple airain. L'homme qui aurait sur sa tête le chapeau de Plouarnel, dans le ventre le poulet du père Bataille et sur son dos la redingote de Monsieur Renoux, fatiguerait le temps de sa masse indestructible comme les roches dont parle de l'île. Mais comme ils étaient pâles, tous, en comparaison du gendre. Faisant belle poitrine, fier de sa botte vernie, tête renversée, l'œil insolent derrière ses lunettes, arrogant et sérieux, il ne saluait personne. Sa toilette lui avait monté à la tête. Il était ivre de son habit noir. Tout en noir comme il convient pour aller dîner en ville. Serré, bouclé, ficelé, lacé, prêt à crever. Il se raidissait de son mieux entre les tensions combinées de ses souliers et de ses bretelles. Sa cravate longue, piquée d'une épingle jumelle, descendait le long de sa poitrine, ménageant habilement la vue de sa chemise blanche et s'enfonçant dans un gilet démesurément ouvert. De sa manchette retroussée sortait sa grosse main vêtue d'un gant blanc qui craquait sous son bouton. Il était si beau que nul n'osait lui parler. Sa femme le regardait avec amour, sa belle-mère avec fierté et nous avec épouvante. Au milieu de l'éblouissement de ces astres gravitait un gamin de 10 ans, dernier produit du père Renoux. Il se hâtait, car on n'attendait plus que lui. Il était en chemise et courait de toutes parts, tenant sa culotte à la main et cherchant un coin pour la mettre. On le chassait successivement de la cuisine, de la salle et du couloir. On criait, on l'appelait, on le menaçait de le laisser à la maison. Éperdu, bousculant tous les meubles, heurtant toutes les jambes, marchant sur tous les pieds, il prit un parti suprême, se réfugia dans la cour, entra victorieusement dans son pantalon gris, passa vite son gilet et sa veste, et vint enfin calmer la tempête d'impatience qui éclatait sur lui. Alors on se compta, on reconnut qu'on était au complet, puis le cortège s'ébranla, sortit lentement, et nous restâmes seuls avec le colonel de Saint-Amour qui examinait à la loupe un morceau de quartz radié. Mais il n'avait pas à Crozon que la famille Renoul à voir, et le lendemain de notre arrivée, nous descendîmes vers le village de Morgat, qui tire ses barques sur le sable et fait sécher ses filets aux maisons. En face de nous, la baie de Douarnenez s'étendait, ridée sous la brise et tachée par les canots du pêcheur de sardines. Nous longeâmes pendant quelque temps la falaise, marchant sur la grève mouillée où restait l'empreinte de nos pas, et nous arrivâmes aux 3 petites grottes qu'à marée basse on peut visiter à pied. Elles sont peu profondes et soutenues par des retombées de roches qui s'appuient à terre comme d'énormes piliers. Le jour les illumine étrangement, se brisant aux angles et éclairant d'une lumière verdâtre les parois humides où se marient toutes les teintes les plus douces, depuis le rouge foncé jusqu'au bleu d'argent. Une eau limpide, oubliée par le flux, s'écoule lentement des vasques naturelles de la pierre et creuse de petits ruisseaux dans le sable sur lequel courent en criant les alouettes de mer. Pour aller visiter la plus grande, nous montâmes en canot. Nos 2 rameurs donnèrent quelques coups d'aviron, nous glissâmes sur les flots qui nous remuaient à peine, et bientôt nous entrâmes avec une vague au sein de la falaise dans un merveilleux palais souterrain. La voûte est haute et découpée en stalactites irisées de 1000 couleurs. Elle s'abaisse brusquement vers le fond et plonge dans l'obscurité. Le moindre cri résonne lugubrement, se heurte aux échos et retombe dans la poitrine qu'il a lancée. Au milieu, un petit rocher sort sa tête au-dessus de la mer qui le baigne et l'entoure de cercles. Les nuances sont multiples, variées, sans transition, selon les couches de la pierre. Ce sont des traînées de sang, des langues de feu vif et blanchissant, des rayons d'azur, des taches de cendre grise, des veines d'un vert pâle comme la malachite, des épanchements lits de vin et des filets blonds comme la paille battue. La vague avançait lentement, poussée par une force invisible, et clapotait avec un bruit doux comme le murmure d'un cœur lointain. L'eau, d'abord transparente, s'assombrissait et devenait violette. Les rochers ruisselaient d'une rosée brillante et la brise nous apportait un bon parfum d'herbes salées. Absorbés dans une ardente contemplation, immobiles, silencieux, nous étions sur notre barque comme ces chevaliers errants que la tempête conduisait dans la demeure mystérieuse des génies et des nymphes. Là, au fond, dans l'ombre noire, s'ouvre peut-être la porte de diamant qui mène au royaume nacré, habité par les enchanteurs. Le nain résonnant des grelots est là, derrière, sans doute, prêt à souffler dans sa trompe d'ivoire, et les monstres hideux qui doivent nous disputer le passage vont arriver bientôt en vomissant du feu avec un bruit d'écailles. Car c'est là, lorsque le soleil embrase la nature, qu'elles viennent, ces charmantes déesses, chercher l'abri et la fraîcheur de l'eau. C'est là que les ondes baisent leurs beaux seins nus. C'est là que Virgile chante des ballades, que Morgane conte ses légendes d'amour, que la fée des roseaux se tresse des guirlandes, et que la fée mignonne file le lin, enroulé à son fuseau d'or. Nous n'en vîmes aucune, cependant, et nous nous éloignâmes, pleins de cette tristesse que donne le spectacle des belles choses. Nous gravîmes la falaise, allant par les champs, par les prés, par les sentiers frayés, auprès des fermes où les chiens aboyaient et sous des bois de chêne où chantaient les oiseaux. Ainsi, marchant, nous atteignîmes une métairie abritée sous de grands noyers. Au fond de la cour, quelques pans de murailles disparus sous les lierres et les ronces étayaient une cabane de feuillage qui recouvrait une charrette et des instruments de labour. Un sureau fleuri et un jeune frêne s'épanouissaient et découpaient leur ombre sur cette ruine qui était autrefois le manoir de Landouadec. Plus loin, nous rencontrâmes un monument celtique. À son aspect, nous fûmes saisis d'une attaque d'archéologie foudroyante et nous voulûmes faire des fouilles pour découvrir des médailles, des ossements, des haches druidiques, des keltae, des vases cinéraires et des sarcophages. Nous allâmes chercher une escouade de paysans armés de pics et de louchets. Nous les lâchâmes autour d'un dolmen, dirigeant la tranchée comme mon oncle Toby, en mettant quelquefois la main à la pioche. De tout cela, il n'advint rien qu'une âpre dispute avec le propriétaire du champ qui réclama des dommages-intérêts trop insolemment pour en obtenir et que nous renvoyâmes au juge de paix, espérant déjà que nous pourrions plaider notre cause à la face du peuple de Crozon. Mais il n'en fut rien, à notre grand regret, car nous avions déjà préparé nos mouvements oratoires et d'écrasantes répliques. Après cette expédition, qui n'était point de nature à nous réconcilier avec le celticisme, nous nous rendîmes à l'Anse de Dinan. Il y a 7 ans, nous avait-on dit, un coup de vent, en remuant les sables, avait mis à nu un cimetière entier que nul ne soupçonnait. Les morts étaient couchés, les pieds tournés vers la mer, la tête appuyée sur 2 pierres plates et les bras le long du corps, ils étaient en grand nombre et pressés les uns contre les autres. Quand on creuse la terre, on en retrouve encore. Nous arrivâmes, comptant rencontrer quelques vieux crânes bien desséchés que nous pourrions mettre sur notre cheminée à notre retour, entre la pendule et les flambeaux. Mais nous étions dans un jour de malheur et nous ne trouvâmes que des fémurs calcinés de vieillesse, des côtes brisées et des phalanges qui s'émiettaient en poussière sous nos doigts. Mais en revanche, nous vîmes la mer dont quelques vagues blanches égayaient le bleu foncé. Nous retournâmes au logis et le lendemain, lorsque nous repartîmes, la maison avait repris sa tranquillité accoutumée. Le colonel expérimentait une pyrite de cuivre. Madame Renault avait serré ses gants. Monsieur Renoul était rentré dans sa blouse et le gendre était triste. C'était que la veille, chez le notaire, il avait bu beaucoup de curaçao et comme il ne peut en boire sans être malade, il avait les yeux cernés, la langue épaisse, la bouche close et sa femme s'occupait à lui préparer un verre d'eau sucrée. Maxime Ducamp.